Nuit du 19 mai. J'ai revu Gertrude, et je ne lui ai point parlé. Chez Mademoiselle Louise, ce soir, comme personne n'était dans le salon, je suis monté jusqu'à sa chambre. Nous étions seuls. Je l'ai tenue longuement pressée contre moi. Elle ne faisait pas un mouvement pour se défendre, et, comme elle levait le front vers moi, nos lèvres se sont rencontrées.